Alors, qu'est-ce que t'as pensé de ce film ? J'ai trouvé ça sans aucun intérêt. C'était pas génial, c'est vrai. Mais j'ai pas détesté. L'histoire est banale, le style n'est pas original. Bref, ça t'a pas plu. Non, j'ai vraiment pas aimé.